jeune facteur est mort. Il n'avait que 17 ans. De tous mes mots d'amour, c'est lui qui portait dans ses mains la fleur d'amour cueillie dans ton jardin. Pour nous de maintenant.